travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Altos abus, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Jean-Claude Delgen, pouvez-vous nous faire une analyse générale de la situation ? Ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, du fait de la crise sanitaire et des conséquences sur le ralentissement économique, on a une situation où les plans sociaux se multiplient. Depuis le mois de mars, il y a environ 350 plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été mis en œuvre pour des entreprises, c'est-à-dire des plans où il y a plus de 10 suppressions d'emplois. Il faut rajouter à cela des milliers de suppressions liées à la signature de ruptures conventionnelles, qui sont des séparations amiables. Il faut rajouter à cela aussi les plans de réduction d'effectifs, mais qui ne sont pas considérés comme des plans sociaux, puisqu'ils sont inférieurs à 10 salariés par mois, mais qui sont aussi nombreux, puisque avant l'été, on en était déjà à près de 2000 plans qui avaient été signés. Donc on a une situation aujourd'hui où la Banque de France annonce environ 11% de chômeurs l'année prochaine, c'est-à-dire avec plus de 800 000 chômeurs en plus. Il faut savoir que la France connaissait déjà un chômage de masse et de longue durée important, puisque 1 million de salariés étaient en inactivité forcée au chômage donc depuis plus de 2 ans. Hein, donc 1 million de personnes au chômage sur une durée supérieure à 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie, on pourra en parler, ça veut dire que là, les gens sont vraiment sortis du marché du travail et c'est très difficile de les réinsérer. Et puis, 2 millions, avec une durée qui est à peu près un peu plus d'un an, donc, et qui prend le chemin des 2 millions. Donc on a en fait vraiment une fragmentation du marché du travail. Aujourd'hui, on constate que les jeunes n'arrivent pas à s'insérer, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de recrutement, à part dans certains secteurs. C'est très difficile pour eux. Et on a une situation où les files d'attente à la porte des entreprises s'allongent. Donc le chômage, l'inactivité ont des conséquences sur la santé. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui a connu le chômage dans sa vie a une espérance de vie inférieure à celui qui ne l'a pas connu. Voilà, une personne qui a été au chômage vit en général au moins une année de moins que la personne qui n'a pas été au chômage. Donc vous voyez, et ça c'est un chiffre auquel on peut en ajouter d'autres, hein, puisque par exemple, on sait que les chômeurs, ceux qui perdent leur emploi dans les plans sociaux, sont les premières victimes du fait de la précarité, du surendettement qui peut suivre le chômage, sont les premières victimes des suicides, hein, des actes suicidaires. Le jeudi 10 septembre dernier, c'était la journée mondiale de prévention du suicide. Et cette journée a mis en évidence justement le fait que la perte d'emploi était aussi très, comment dire, impactante pour les familles, pour les personnes qui perdaient leur job. Voilà, donc on voit bien que la situation est difficile. Et dans cette situation difficile, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un franc durcissement du management. Vraiment. Le management se durcit véritablement avec il y a un changement de paradigme au niveau managérial avec des exigences professionnelles qui deviennent très très très lourdes, très comment dire, qui tombent comme des couperets et quelque part le stress des dirigeants, parce que les dirigeants sont aussi en stress du fait de la conjoncture, de la concurrence, de la peur de la faillite, etc., retombe sur les salariés à qui on demande de vraiment se sacrifier pour leur emploi ou alors de partir, de sortir de l'entreprise. Voilà, c'est ça la situation, c'est caricatural, mais on a donc quelque part le droit, les droits qui courent après la situation réelle, c'est-à-dire que le Code du travail, qui est de ce point de vue-là assez protecteur des salariés aujourd'hui, est de plus en plus remis en cause, que ce soit par, je dirais, des abus, des dérives, qu'il faut effectivement caractériser. On va essayer de le faire aujourd'hui avec nos invités, caractériser concrètement les abus, tels qu'on puisse, avec peut-être une typologie, pour pouvoir vraiment aider ceux qui en sont victimes, ou tout au moins les remontants du personnel, voir les inspecteurs du travail, voir les médecins du travail, faire en sorte de mettre en place des évolutions qui soient plus respectueuses de l'humanité, de notre République.